La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. L'attitude des Français vis-à-vis de la nature serait très différente de celle de nos voisins allemands ou anglais. Elle se traduirait par une désaffection et une difficulté à mobiliser nos concitoyens sur la sauvegarde de la faune et de la flore. Même si les marches pour le climat se sont multipliées, comment expliquer ce qui ressemble à une exception française et comment retisser notre lien à la nature alors que pourtant on n'a jamais autant entendu parler d'environnement? C'est la discussion que nous allons avoir dans un instant avec mes invités que je vais vous présenter. Il s'agit d'une rediffusion d'une émission datée de décembre 2017. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. À l'une de la science aujourd'hui, la période cruciale du sevrage chez le nourrisson. Et oui, des chercheurs français montrent que c'est un moment clé pour la construction à la fois du microbiote, mais surtout de l'immunité. On en discute dans un instant. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne, consacrée aujourd'hui à l'allergie à la pénicilline. C'est Fanny Boyon qui réalise cette émission, préparée par Lucie Sarfati. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Les Français ont-ils perdu le lien avec la nature? Dossier dans quelques instants avec mes invités, l'historienne Valérie Chansigaud et la juriste Valérie Cabanès. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bienvenue Valérie Chansigaud. Les Français s'intéressent donc si peu à la nature? Oui. Vous vouliez une réponse courte. Elle est très très courte. Vous avez 10 secondes de plus pour nous répondre. Simplement, il faut bien comprendre les éléments de comparaison parce qu'il s'agit de comparer des éléments semblables. Mm-hmm. Et si on regarde l'intérêt historique des Français pour la nature par rapport à leurs voisins germanophones ou anglophones, effectivement, il y a une très forte différence. Valérie Cabanès, comment rétablir ce lien entre nous et la nature? Alors, il y a beaucoup d'idées, hein, évidemment. S'il fallait en retenir une, là, déjà, pour présenter le sujet. En s'y reconnectant. Je crois que c'est déjà une première chose. Et puis en réaffirmant notre lien d'interdépendance avec les autres éléments de la nature et l'inscrire finalement dans nos règles de vivre ensemble. Mmh. Se réintégrer dans ce monde vivant auquel nous appartenons, hein, mais qu'on oublie beaucoup finalement. Manifestement, hein. Oui, nous l'avons oublié. Allez, on se retrouve dans quelques minutes pour en discuter avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent donc tout de suite sur le site de La Tête au Carré. Et voilà, au moment du sevrage, l'effervescence, ça se passe dans l'intestin du nourrisson. Et c'est notre une de la science aujourd'hui, Axel. Oui Mathieu, une étude française menée sur des souris vient confirmer des observations faites en pédiatrie depuis plusieurs années. Le sevrage est un moment clé dans la construction du microbiote et de l'immunité future. Des résultats importants publiés par une équipe de l'Institut Pasteur et que nous commentons avec vous, Gérard Héberl, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur pour le laboratoire Micro-environnement et immunité de l'Institut Pasteur, auteur principal de ces travaux. Alors, on viendra dans un second temps aux souris que vous avez étudiées, mais chez l'homme, pour commencer, que se passe-t-il au moment où on commence à manger autre chose que du lait? Alors, au moment où on mange autre chose que du lait, il y a de nouvelles bactéries qui peuvent se nourrir de cette nouvelle nourriture, s'expandre et coloniser l'intestin, de telle façon qu'on arrive à 10 à 100 fois plus de bactéries qu'avant. Donc c'est la colonisation, il y a de plus en plus de bactéries dans l'intestin. Ah oui, c'est un moment, au moment du sevrage alimentaire, de la diversification, on a une expansion énorme du ce qu'on appelle du microbiote, des bactéries de l'intestin. Et ça fait des rototos chez les bébés ou pas spécialement parce qu'on change l'alimentation? Je crois pas. Ah oui, le lait non. Aussi. Hein. Et c'est une bonne chose, rassurez-moi. Le rototo? Non, la prolifération des bactéries. C'est une chose absolument nécessaire. On démontre que cette prolifération est absolument nécessaire pour l'éducation du système immunitaire du bébé. Ça, c'est les résultats de vos travaux. Et vous avez travaillé chez la souris pour voir les différentes conséquences d'un ratage ou pas de cette prolifération bactérienne. Quels sont les types de scénarios que vous avez reproduits alors chez vos souris? Alors, les souris, on leur a tué cette prolifération bactérienne avec des antibiotiques, ou à l'inverse, on a des souris qui n'ont pas du tout de microbes, auxquelles on a donné des microbes, et on a testé l'éducation du système immunitaire. Et ce qu'on a vu, c'est que, combien les souris se portent très bien après le sevrage, quand elles grandissent, après, elles ont une susceptibilité très importante, lorsqu'elles n'ont pas eu ces bactéries, chez l'adulte, pour des maladies inflammatoires comme l'allergie, l'auto-immunité et d'autres maladies. Ça veut dire qu'on n'a qu'une chance? On a ce moment-là pour développer cette immunité particulière? C'est ce moment-là est très important. Je ne sais pas si on n'a qu'une chance. C'est ce qu'on tend à démontrer, mais on espère trouver des façons d'avoir une deuxième chance, mais on n'y est pas encore. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe entre les bactéries qui colonisent l'intestin et le système immunitaire ? Donc ces bactéries prolifèrent énormément à ce moment-là et le système immunitaire ne fait que faire une réaction immunitaire qu'on ferait contre n'importe quelle autre bactérie. Ce qui est différent, c'est que ce moment-là est extrêmement sensible, le système immunitaire y répond très fortement et si ça ne se passe pas à ce moment-là, c'est fichu. Après, il y a une réponse immunitaire mais beaucoup moins forte. Et donc on s'est demandé pourquoi il y a ce qu'on appelle cette fenêtre d'opportunité pour réagir autant à ces microbes. Est-ce qu'on peut directement transposer, parce que c'est ce qu'on a fait depuis le début quand même, ces résultats que vous obtenez chez la souris, est-ce qu'on connaît du nourrisson, est-ce qu'on a déjà observé ? Oui, indirectement. Donc nous, on s'est inspiré de ce qui se fait en clinique. En clinique, on sait depuis longtemps qu'une hygiène excessive ou une utilisation excessive d'antibiotiques rend l'enfant plus susceptible à des allergies plus tard. On était chez la souris montré la même chose. Et puis, vu que la souris fonctionne comme l'homme, on a essayé de comprendre comment ça se passe et quelles sont les conséquences de ne pas avoir une exposition normale ou saine aux microbes dans l'environnement. Ça veut dire concrètement que prendre des antibiotiques au moment où on est en train de commencer à manger des aliments solides, c'est pas une bonne idée. Alors ça pose un problème. Bien sûr, si le pédiatre prescrit des antibiotiques, c'est qu'une bonne raison. Oui. C'est que l'enfant doit être traité. L'antibiotique reste une chose absolument incroyable qui a sauvé évidemment des millions de gens. Maintenant, ce que nous cherchons à faire, c'est de comprendre quel est l'effet délétère de l'antibiotique à ce moment-là, essayer d'y remédier avec des prébiotiques, des probiotiques ou d'autres éléments que font les microbes pour nous éduquer. Quelles sont les maladies auxquelles on s'expose si cette réaction immunitaire forte n'a pas lieu au bon moment ? Nous montrons que c'est une dérégulation assez globale du système immunitaire. S'il n'est pas éduqué à ce moment-là par les microbes qui prolifèrent au moment de la diversification alimentaire, eh bien le système immunitaire est juste plus réactif. Et l'on montre chez la souris que les souris font plus d'allergies, plus de maladies auto-immunes, plus de maladies qui sont des conséquences d'une inflammation chronique, comme le cancer du côlon par exemple. Est-ce que l'alimentation aussi a son importance, celle qu'on donne au bébé à ce moment-là ? C'est très important parce que les bactéries se nourrissent de notre nourriture. Donc un élément qui est très important, c'est, on ne le dira jamais assez, les fibres alimentaires. Les fibres alimentaires, nous ne pouvons pas les digérer, mais c'est certaines bactéries qui le font. Elles nous démontrent ces fibres en des éléments qui sont très importants pour notre santé, et particulièrement à ce moment-là. Donc les fibres que mange la mère, les fibres qu'ensuite mange le bébé dans ses popotes, des fibres... Popotes. Ben oui, dérivés des popotes de légumes ou de fruits, donc, ouais. qui sont bourrés de fibres sont absolument nécessaires. Et pas que, on montre aussi que certaines vitamines, comme la vitamine A, est absolument nécessaire à ce moment-là. Gérard Hébert, finalement, vos travaux viennent confirmer ce qu'on a beaucoup observé ces derniers temps, c'est-à-dire l'effet protecteur du microbiote chez les individus, les petits comme les grands d'ailleurs. Oui, il y a une petite nuance que j'aimerais apporter. Il y a une espèce de contre-mode, si on veut, qui propose qu'il faudrait mieux, il faudrait élever ses enfants dans la boue pour qu'ils soient en bonne santé. Dans la poussière et dans la boue. Oui. Voilà, le problème, c'est que la boue et la poussière peuvent contenir des pathogènes, le choléra par exemple. Donc si on a développé l'hygiène, c'est précisément pour nous protéger contre des maladies infectieuses, et ça a très bien marché. Maintenant, on a peut-être été trop loin. Alors, le trop loin, c'est quelque chose de très vague, c'est à nous de le définir. Il faut trouver un juste milieu entre nous protéger des mauvaises bactéries et d'être exposé aux bonnes bactéries qui nous éduquent. Alors, maintenant qu'on comprend mieux le mécanisme, comment est-ce qu'on peut appliquer ces connaissances en cas de traitement antibiotique chez le nourrisson ? Est-ce qu'on peut apporter quelque chose en plus pour limiter les conséquences ? Oui, ce qu'on essaie de comprendre, c'est quels sont les éléments qui sont apportés par le microbiote, et par ces microbes et par la nourriture. J'en ai cité quelques-uns. Les fibres sont importantes, la vitamine A est importante, certaines bactéries sont importantes. Alors, si on traite un enfant avec des antibiotiques, il y aurait un problème de revenir avec des bactéries, des probiotiques. Donc, essayer de comprendre quels sont les morceaux, est-ce qu'il y a des morceaux de bactéries qu'on peut donner à l'enfant pour complémenter sa nourriture. Merci beaucoup en tout cas Gérard Hébert, encore des recherches très intéressantes autour du microbiote. Vous êtes chercheur, je le rappelle, à l'Institut Pasteur. Merci à vous et Axel, à demain. À demain. Au revoir. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, boissons chaudes et cancers. Déjà en 2009, une étude avait montré une corrélation forte entre la consommation de thé chaud et le risque de cancer de l'œsophage. Cette semaine, une étude américaine confirmerait ce lien, sans toutefois, attention, apporter d'explications causales menées sur les dires de plus de 50 000 Iraniens. L'étude montre que les cas de cancer chez ceux qui préfèrent le thé très chaud sont de 90% supérieurs à ceux qui le boivent tiède ou froid. Reste maintenant, évidemment, à comprendre le mécanisme exact en jeu derrière ces chiffres. 58 espèces de requins classées en voie d'extinction. Le groupe des spécialistes de l'UICN, l'organisme chargé de classer les animaux en danger, vient de mettre à jour la fameuse liste rouge. Les requins sont des animaux qui grandissent lentement, précisent les experts, et pourtant, ils font l'objet d'une pêche intensive et non régulée. En 2013, une étude estimait que 100 millions de requins étaient tués chaque année pour satisfaire la demande en viande, huile de foie et aileron. Et puis pour terminer, le roi des T-Rex, une équipe de chercheurs de l'Alberta vient de dévoiler le plus grand spécimen de tyrannosaure jamais déterré au Canada. Scotty, c'est son nom, mesurait 13 mètres de long et devait peser presque 9 tonnes. C'est également le plus vieux spécimen de T-Rex connu à ce jour, puisqu'il est certainement mort après ses 30 ans, selon les chercheurs. Un âge avancé qui peut à la fois expliquer sa grande taille et les nombreuses marques de blessures retrouvées sur son squelette. A-t-on perdu notre lien à la nature? Dossier dans un instant de la Tête au Carré. I'm alone, but I feel alright in the summertime and the fall, in the spring when the house is dark. Doesn't bother me at all. I know it's in the light. The shadows start to move. There's a hurt in the winter time. Makes it hard for you. There's a dream. Mas it Nora Jones, c'était Wintertime à l'instant. La tête au carré sur France Inter. Comment renforcer notre lien à la nature ? Thème de l'émission cet après-midi pour comprendre pourquoi les Français semblent moins impliqués que leurs voisins sur cette question. Valérie Chansigaud, vous êtes historienne des sciences et de l'environnement et vous publiez chez Actes Sud « Les Français et la nature, pourquoi si peu d'amour ?» Et Valérie Cabanès, vous êtes juriste en droit international, spécialiste dans les droits de l'homme et porte-parole du mouvement citoyen « End Ecocide on Earth » qu'on peut traduire par... Arrêtons l'écocide planétaire. Voilà, et vous publiez Homo Natura en harmonie avec le vivant aux éditions Bûcher-Chastel avec les auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Valérie Chansigaud, vous qui vous intéressez depuis longtemps aux relations complexes hein, entre l'être humain et la nature, vous défendez la thèse selon laquelle donc les Français s'intéresseraient moins à la nature que leurs voisins allemands ou anglais. Qu'est-ce qui vous permet de le dire ? Comment vous avez étudié la question exactement ? Il y a plein de biais. En fait, c'est une question que j'ai toujours croisée. Et c'est le côté extrêmement régulier de l'émergence de cette question. Un jour, je me suis dit, il va falloir que je mette ça noir sur blanc. Bon, comment on enquête alors ? Par l'accumulation d'une myriade de faits significatifs. Mm-hmm. Je vais en donner deux très rapidement pour comprendre de quoi il s'agit. La LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, aujourd'hui compte à environ 45 000 membres en France. Mm-hmm. C'est l'une des grosses structures de protection. C'est pas mal, hein ? 45 000 membres, c'est quand même. C'est tout à fait honorable. Mais son alter ego britannique... c'est plus d'1 300 000 membres. Ouais. Or, si on remonte dans le temps à la création de la LPO en 1912, on se rend compte qu'elle a été créée par quelques dizaines de personnes, alors qu'à la même époque, 1912, en Allemagne ou en Angleterre, c'est plus de 70 000 personnes, et aux États-Unis, plusieurs centaines de milliers de personnes. Ouais. Donc ça veut dire que cette différence quantitative est non seulement visible aujourd'hui, mais elle est visible tout le temps. Et c'est ça qui... En fait, ça forme, ça constitue un objet historique d'étude parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui se répète inlassablement au fil du temps. Le second exemple, alors ? Second exemple, parmi bien d'autres, c'est l'arrivée de la photographie animalière. La photographie animalière émerge en 1895, suite à la conjonction de progrès techniques. Pour la première fois, des ouvrages uniquement illustrés de photos prises dans la nature sont publiés. Mm-hmm. Ça devient tout de suite un phénomène de librairie en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, et pas du tout en France. Il y a un ou deux ouvrages traduits de l'anglais qui sont édités, mais ça s'arrête là. Et la grande différence entre les deux, c'est pas qu'il n'y a pas d'amoureux de la nature ou de photographes capables de faire des photographies, il n'y a pas de public. Ouais. Il n'y a pas un public suffisant pour acheter ces livres et pour s'y intéresser. Pourtant, on a de très très bons naturalistes, hein, vous le rappelez. On a effectivement des éditions scientifiques naturalistes très étoffées, hein, avec une vraie richesse là-dedans. Et pourtant, effectivement, il y a cette différence entre les différents pays. Il y a toujours une différence qui se situe sur deux niveaux, on va dire, encore une fois, dans une démarche comparative en histoire, c'est à la fois une faiblesse des effectifs et un décalage dans le temps. Oui. Quand ce décalage ne conduit pas simplement à l'inexistence tout simplement des Français. Un dernier mot, vous parlez justement des grandes figures, des icônes du naturalisme par exemple. Vous citez Rachel Carson, une des biologistes américaines les plus connues au monde, qui est toujours dans le classement des personnalités les plus connues sur la planète, qui est décédée d'ailleurs maintenant, hein, qui en 62 le Printemps silencieux, et qui est absolument inconnue en France. Enfin, quasiment. Quasiment inconnu, sauf de spécialistes ou de militants, alors que c'est une icône culturelle considérable aux États-Unis. Une cinquantaine de biographies lui ont été consacrées dans ce pays, imaginez. Enfin, il n'y a aucun équivalent, ni de près ni de loin, en France. Et c'est une icône parce que c'est au-delà de son action contre les pesticides, c'est avant tout un auteur sur la nature. Mmh. Quelqu'un qui a cherché sans trucage, je dirais, à parler simplement de la nature avec une langue absolument magnifique. Si on aime l'anglais, il faut lire du Rachel Carson. Mmh. Et ça a suscité un enthousiasme débordant. Ouais. Alors Valérie Cabanès, pour discuter avec vous, on va d'abord écouter la voix de Pierre Rabhi, qui est alors là pour le coup justement une grande figure aussi de la défense de la nature en France. On l'écoute et puis ensuite on en discute ensemble. Je dis souvent, le catéchisme se résumerait à une chose très simple, dire aux enfants, vous savez, Dieu a créé la nature, a créé la terre, donc elle est d'émanation sacrée, et la polluer, la poisonner, c'est la désacraliser. Au lieu de cela, on a grisé par notre justement cette vanité finalement à vouloir transcender la nature et la dominer. Le fait est que la nature nous a donné des moyens, nous a offert des biens, et que ces biens, nous les retournons contre elle. Alors que moi, je pense que l'être humain, il est plutôt fait pour exalter la création. Valérie Cabanès, il y a ça au fond, ce que vous dites aussi sur la domination finalement de l'homme et cette façon de s'être extrait du vivant. Oui, alors si je peux être un petit peu contradictoire avec Pierre, il nous parle d'un catéchisme. Mm-hmm. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles nous nous percevons effectivement comme dominants. C'est parce que les religions monothéistes nous l'ont appris. Elles nous ont effectivement posé comme maîtres sur terre, pouvant dominer tout ce qui vit, tout ce qui rampe, tout ce qui vole. C'est un verset, 1:26 de la Genèse. C'est en tout cas une des interprétations. Donc, c'est une émission sur les vivants et les dieux, hein, pour vous reciter un peu le contexte en France Culture. Hein. Mais je préfère effectivement, comprends par contre cette notion de sacré, et je la comprends plus dans le langage, je dirais, des premiers peuples. Qui regardaient effectivement leur place sur Terre comme une place qui n'est que complémentaire, qui est la place d'un frère ou d'une sœur par rapport aux arbres, aux plantes ou aux animaux. On en est loin, parce que nous, aujourd'hui, on se place au-dessus et au sommet de la pyramide du vivant, quand même. Hein. Tout à fait. On se place au sommet d'un règne, le règne humain, au-dessus d'un règne qui est animal, puis d'un qui est végétal, puis d'un qui est minéral. Et c'est très intéressant, d'ailleurs, en droit, de voir que ce règne existe aussi. Oui. Ça biaise complètement les rapports à la nature, selon vous, justement, cette domination autoproclamée de l'humain ? En tout cas, ça nous permet de regarder la Terre comme un puits infini de ressources au lieu de la regarder comme une entité vivante. Mmh. Ça nous fait effectivement totalement oublier nos liens d'interdépendance, c'est-à-dire la nécessité que nous avons à nous percevoir comme un des éléments de systèmes complexes. Et si je revenais un petit peu à ce que Goethe disait au XIXe siècle, qui était aussi un naturaliste et un poète, et qui est un des premiers théoriciens des systèmes, nous avons oublié finalement que nous sommes dans un écosystème qui est un tout supérieur à la somme de ses parties, parce que l'écosystème terrestre est constitué de sous-systèmes et que nous sommes finalement qu'un des tout petits écosystèmes nécessaires à l'équilibre de l'ensemble. Alors il y a ce message de Julien qui nous dit justement, si l'homme maltraite tant la nature, est-ce que ce n'est pas parce que les religions monothéistes ont fortement opposé l'homme, créature de Dieu, à la nature sauvage, refuge du malin, et cet antagonisme finalement est devenu au fil du temps une habitude des diverses sociétés ? Oui, comme je l'expliquais, mais c'est aussi, et c'est peut-être une des raisons qui explique le désamour des Français vis-à-vis de la nature, c'est aussi à mon avis lié au siècle des Lumières, où nous avons cherché à nous extraire d'un état dit sauvage, d'un état naturel, et à considérer que le progrès technique était une manière d'affirmer une humanité plus accomplie. Valérie Chansigaud, je vous vois réagir. Oui, un petit peu. Avec l'envie de prendre la parole. Disons que ce que nous venons d'entendre, c'est une présentation assez classique d'une histoire qui serait l'histoire de l'Europe, de l'Occident, qui aurait perdu comme ça un lien qui est censé avoir existé, on ne sait pas trop ce que ça veut dire par ce lien, sous l'action à la fois des Lumières et de la religion chrétienne. Et d'ailleurs, l'un n'est pas forcément compatible avec l'autre, mais peu importe. Sauf que, quand on regarde dans le détail, on se rend compte qu'effectivement, la société qui s'établit à la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, et qui va se développer, en se modifiant d'ailleurs, c'est effectivement une société de domination, clairement. Pas d'ailleurs que de la nature, pas que des écosystèmes, un système de domination. Donc là, vous êtes d'accord. Qui n'existe d'ailleurs pas simplement qu'en Europe, parce que ce système de domination existe à peu près partout. Il y a des sociétés un tant soit peu structurées d'un point de vue hiérarchique. Mmh. Sauf que ce qui se passe également en Europe, c'est un mouvement qui débute aux Lumières et est nourri par les Lumières de réflexion sur les limites de l'action de l'homme sur son environnement et aussi sur les façons de contrôler cette action sur son environnement. Les premières sociétés de protection des animaux, les mouvements de protection de la nature, culture naissent non pas dans la société indienne, naissent pas plus dans la société chinoise, qui ne connaissent absolument pas ces mouvements, naissent dans la société occidentale. Or, les racines de ces mouvements, c'est encore une fois deux choses, encore une fois pas forcément compatibles, qui sont les Lumières et la société, je dirais, l'héritage chrétien. Donc, qu'est-ce que vous voulez nous dire, finalement ? C'est que les sociétés sont complexes. C'est ça, c'est très paradoxal, ce que vous nous décrivez, quand même. C'est complexe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas définir une société de façon uniforme. Je comprends la portée du discours parce que c'est fort. On dit voilà en gros les méchants, ils sont là et voilà ce qui s'est passé. Sauf que c'est très très compliqué. De même, par exemple, ce lien qu'on aurait perdu au vivant, on peut pas comprendre la construction de la mécanique de domination qui se fait dans notre histoire sans y intégrer l'obsession pour le vivant. On n'est pas coupé du vivant, on est obsédé par le vivant. Songez à ces mécanismes d'eugénisme social, de racisme social, d'amélioration des plantes. La plupart, enfin la quasi-totalité des races qu'on connaît au niveau des animaux domestiques ont été créées au XXe et au XIXe siècle, on ne remonte pas au-delà. On a une obsession pour le vivant. On n'est pas coupé du vivant, on est obsédé par un certain type de rapport qui est un rapport contradictoire, qui est à la fois de domination et de protection. On passe la parole à la Défense, Valérie Cabanès. Ah oui, non, c'est pas, je pense pas du tout qu'il y ait en soi opposition. Moi, je mène une réflexion aussi par rapport, et je sais pas ce que vous en pensez, ça m'intéresserait. Est-ce que c'est pas à partir du moment où finalement l'humanité s'est sédentarisée, à développer l'agriculture et s'est retrouvé dans une situation à avoir domestiqué. Donc on revient au néolithique, hein, clairement. Oui, domestiquer le vivant, que l'on on est dans un... Parce que quand vous disiez nous avons commencé à chercher à protéger le vivant, oui, mais nous le faisons toujours dans une vision, et le droit est un reflet de notre niveau de conscience, dans une vision qui est anthropocentrée. C'est-à-dire que nous protégeons le vivant pour nous-mêmes, pour pouvoir survivre, et c'est tout le débat actuel, qui est que face à un effondrement écologique et de grands risques climatiques, on commence à se poser la question un petit peu partout sur la planète de est-ce que quelles sont les solutions pour protéger le vivant, et on se rend compte que nous avons cherché à protéger le vivant en morcelant des parcelles de nature et en protégeant, par exemple, des espèces menacées, une orchidée ou un oiseau, en protégeant une partie de l'Arctique. Mais on a perdu de vue, et c'est là où je trouve qu'on devrait s'adosser un peu plus à la science, justement ce fonctionnement systémique et ce que n'a pas perdu, c'est-à-dire une vision holistique du monde, les peuples premiers. Voilà. Et ça, là, c'est ce que vous défendez comme thèse. Oui, je crois vraiment que même le droit doit aujourd'hui évoluer vers cela. Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre notre discussion. Ton fantôme, toi qui rêves pas. Manu Reva, Alain Chamfort. La tête au carré. En Alaska, c'est là que je veux aller. Me perdre au fin fond du pays. M'enfoncer dans la nature, sans personne autour. Je veux plus me faire chier avec les horaires. Surtout pas de montre, ni de carte, ni de hache, plus rien. Rien, je te dis, rien que moi, tout seul, au milieu des montagnes, avec les rivières, le ciel. Les animaux, je veux me perdre dans tout ça, être au cœur de la nature. La vie sauvage. Sauvage. Une fois qu'on est perdu loin de tout, on fait quoi, dis-moi, Tu vis tout simplement, tu te contentes d'être là, de vivre le moment présent, de profiter de chaque seconde. Ouais. À mon retour, je pourrais peut-être écrire un livre sur mon expérience là-bas, mes voyages, comment j'ai quitté cette société, tu vois, la société. Voilà, extrait du film Into the Wild, sorti il y a 10 ans avec Sean Penn pour parler de nos liens à la nature avec Valérie Chansigo, historienne, et puis Valérie Cabanès, juriste en droit international. Et donc ces deux ouvrages, Valérie Cabanès, Homo Natura chez Bûcher Chastel et Valérie Chansigo, Les Français et la Nature chez Actes Sud. Là, on entendait cet extrait. On a une vision très romantique, au fond, hein, de la perception de la nature. Très délirante, moi je dirais plutôt, puisque le personnage va finir par mourir dans cet élan absolument magnifique et autodestructeur vis-à-vis d'une nature dans laquelle il n'est absolument pas ni intégré ni intégrable. Il faut voir que notre rapport à la nature se bâtit sur énormément de... un imaginaire assez riche qui nous masque en fait les réalités de la nature. C'est un peu le cas avec la vision d'un passé où on était en harmonie avec la nature. Sauf que quand on fait le bilan des espèces disparues, par exemple, que ça soit au niveau des gros animaux ou des oiseaux, l'essentiel des extinctions ont eu lieu bien avant 1492, se sont placées durant la préhistoire, lorsque l'être humain colonise pour la première fois il y a 12 000 ans l'Amérique. En Amérique du Sud, ça se traduit par l'extinction de 70 genres d'animaux de plus de 40 kilos. À Madagascar, c'est la totalité des mammifères de plus de 40 kilos qui disparaissent lorsque les êtres humains arrivent il y a 5 000 ans. Donc en fait, l'idée qu'on a connu un état en fait de stabilité parfaite et d'amour réciproque entre la nature et l'être humain repose sur ce type de construction, de vision assez fantasmée de la nature qui correspond à un besoin de se dire que le monde n'est ni terrible ni chaotique. Sauf que Valérie Cabanès, on vit quand même une époque d'effondrement aussi de beaucoup de populations animales et végétales d'ailleurs aussi aujourd'hui quand même. Oui, on est en train effectivement de rentrer dans une sixième extinction des espèces. On a perdu 58% des vertébrés, 80% de la biomasse des insectes en moins de 30 ans en Europe, 80% des forêts primaires en 30 ans aussi. Avec une accélération du processus ? C'est plus qu'une accélération, c'est un effet cascade. Mm-hmm. J'en reviens encore à cette vision écosystémique du monde où il faut bien comprendre que quand on déforeste une forêt, on s'attaque au climat, parce que les forêts sont des éponges et gardent l'eau, on s'attaque effectivement au climat parce que on perd une pompe à carbone, on s'attaque à la biodiversité parce qu'on perd un réservoir de biodiversité. C'est vraiment ce fonctionnement-là qu'il faut saisir. C'est d'ailleurs pour ça que j'invite les auditeurs à essayer de mieux connaître le principe des limites planétaires qui a été proposé par le Stockholm Resilience Center en 2009. Qu'est-ce que c'est que ce principe exactement ? C'est une équipe de 22 chercheurs qui ont donc proposé des limites concernant le changement climatique, concernant l'érosion de la biodiversité, concernant la modification des sols, l'acidification de l'océan, la quantité d'azote et de phosphore par exemple, et puis il y en a 9 qui permettent de déterminer à partir de quel moment nous menaçons la stabilité de la Terre, en tout cas la vie telle que nous la connaissons depuis 11 700 ans. Et nous sommes à quel moment aujourd'hui ? Eh bien sur ces 9 limites, nous en avons dépassé 4. Les plus fondamentales sont le climat et la biodiversité, et nous les avons dépassées. Et elles sont effectivement des limites qui rendent les autres limites de plus en plus fragiles. Voilà. Donc il y a une grande urgence à agir, et peut-être même à proposer à ce que ces limites planétaires scientifiquement établies, reconnues par l'ONU, deviennent des sortes de normes juridiques, un peu comme le GIEC nous a proposé la limite de 350 particules par million de CO2 dans l'atmosphère. Et vous travaillez en ce sens. C'est ce que vous défendez. Oui, absolument. Valérie Chansigo, c'est quand même paradoxal tout ça, parce qu'effectivement, vous décrivez cette déconnexion du lien avec la nature, en particulier pour les Français, à un moment quand même où on a le sentiment d'en avoir jamais autant entendu parler. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on parle de climat, d'effet justement de la pollution sur les écosystèmes. C'est tous les jours maintenant. C'est encore pire si on va à l'étranger. On est très informé quand même. C'est-à-dire que les Français, on peut estimer par rapport au bilan que je faisais tout à l'heure, qu'ils étaient relativement peu intéressés par la nature sauvage. Si on va en Angleterre, qui est le paradis des naturalistes, c'est là où il y a le plus grand nombre d'amoureux de la nature par kilomètre carré. C'est absolument indéniable, le nombre de structures, la moindre émission qui fait un tabac. Et pourtant, la biodiversité du Royaume-Uni n'est pas en meilleur état que la biodiversité française. Et là, ça oblige à se poser les questions sans doute autrement que les problèmes liés à la protection de la nature ne se trouvent pas dans la nature, mais se trouvent beaucoup plus, et uniquement d'ailleurs, dans les questions sociales et politiques. Ouais. Alors justement, il y a Julien qui nous dit, alors que ce mot nature ou naturel n'a jamais fait autant vendre et donc rapporter, la réelle protection de la nature est régulièrement remise en cause. Il n'y a qu'à voir les coupes répétées dans les budgets des ministères de l'Environnement ou de nombreux conseils départementaux pour s'en persuader. Il est là le problème, par exemple ? Non, il n'est pas là. Il est pire que ça. C'est-à-dire, il s'agit de savoir si on est capable de réfléchir aux mécanismes sociaux qui conduisent à la destruction de la nature. Je vais prendre un exemple précis. 1945, commercialisation du premier pesticide moderne, le DDT, ouais, contre lequel Rachel Carson va écrire. 1970, son interdiction. Depuis cette date, on n'a jamais accumulé autant de traités, de conventions, de règlements, y compris internationaux, locaux, etc. Et pourtant, on a du glyphosate aujourd'hui, par exemple. Et pourtant, on a toujours le problème des pesticides. Lorsque le glyphosate sera interdit, parce qu'il finira par être interdit, il y aura autre chose à sa place. Mais il y a déjà d'autres choses, d'ailleurs. Il y a déjà d'autres choses, et qui risquent d'être pires que le glyphosate. Le problème, c'est pas la molécule chimique qu'on va interdire qui pose problème. C'est l'utilisation sociale de cette molécule chimique. Si le DDT n'avait pas été utilisé avec d'une façon aussi aberrante qu'il l'a été, il aurait sans doute une vie beaucoup plus longue et beaucoup plus enrichissante pour l'humanité. Simplement, il y a des mécanismes sociaux que l'on ne veut pas voir parce que ça repose sur des questions qui fâchent. Et le problème, c'est que d'interdire successivement, par exemple, les molécules les unes après les autres, fait perdurer le problème sans le régler jamais. Ouais. Valérie Cabanès, là-dessus. Alors là, j'en aurai pour 2 heures, mais je vais essayer. Et vous avez 2 minutes devant vous, voyez, c'est voilà, terrible. Donc je vais essayer de à vous peine. Le résumer, et ça va être un petit peu, peut-être cinglant. Vous l'avez dit vous-même, on parle d'un ministère de l'environnement. Même les écologistes parlent d'environnement et pas de nature. Donc il y a effectivement ce côté romantique de la vision de la nature des Français, mais il y a effectivement en politique une vision encore donc qui sépare l'homme de la nature, puisque l'environnement c'est ce qui nous environne et ne nous inclut pas. Donc ça, déjà sur un plan, je dirais presque épistémologique, sémantique, il y a un problème. Ensuite, pour moi, il y a plusieurs problématiques qui sont en lien avec la notion de l'État, et en particulier de l'État-nation. Le premier, c'est que si des traités internationaux n'arrivent pas à être contraignants, c'est parce que la souveraineté nationale reste le pivot central du droit international, et qu'aujourd'hui, face à des menaces qui nous touche absolument tous sur Terre. Il n'est pas normal qu'un Donald Trump puisse sortir de l'accord de Paris sans craindre une justice internationale parce que sa décision va avoir un impact sur l'humanité tout entière. Donc, je pense qu'il serait temps de remettre en question la souveraineté nationale de façon systématique. Le deuxième niveau pour moi qui est important, c'est en lien avec l'idée qu'il faudrait que l'on puisse se réapproprier une démocratie beaucoup plus locale et une gouvernance décentralisée locale qui nous permette justement de remettre du lien entre nous et avec les écosystèmes dans lesquels on vit et d'inscrire dans nos actions quotidiennes ce lien d'interdépendance. Il y a beaucoup de réactions des auditeurs là-dessus, hein, des messages en particulier à l'école. Et puis le dernier, et là ça va être effectivement un petit peu le pavé dans la mare, c'est la notion de propriété privée. Si on acceptait d'avoir une relation à la nature où on la regarde comme un territoire dont nous pourrions être usufruitiers et non pas possesseurs, alors cela changerait considérablement la manière dont nous gérerions les écosystèmes. Donc terminer la propriété privée justement ? Je pense à une société qui met en avant effectivement des systèmes plutôt d'usufruit des territoires. Une sorte de collectivisme ? Non, ce n'est ni du socialisme ni du libéralisme. C'est véritablement l'idée que on réapprenne à vivre selon une économie locale et une agriculture locale qui soit et des terres qui soient mises à disposition de familles ou de petits agriculteurs qui puissent garantir une souveraineté alimentaire dans les territoires. Et on poursuit notre discussion dans quelques minutes. Il dit je ne parle pas et mon cœur brûle. Je voudrais traverser ce pays. Mes yeux sont pleins de guerre, ma bouche est sèche. Je n'ai pas d'amis. Il dit, je viens de la mine dans la ville. Je cherche le pardon et l'oubli. J'ai ma Bible sur la poitrine, je marche vers les salines. Il dit, personne ne m'a vu. Il dit que les prières nous sauvent et qu'il ne se met plus à genoux. Ceux qui m'ont mis au monde ne sont plus en vie. Il dit personne sur terre ne me connaît. Je ne parle pas et j'ai tout donné. Le monde est plein de ronces et ce que je cherchais, je ne l'ai jamais trouvé. Il dit je ne parle pas et mon cœur brûle. Et j'ai déchiré mon cahier. J'étais mort au milieu du béton. Aujourd'hui, je ne rencontre qu'aux étoiles dans le ciel et j'implore le pardon. Il dit, je n'atteindrai pas le paradis. Mais Dieu sait que j'aurais essayé. Le monde est plein de ronces et ce que je cherchais, je ne l'ai jamais trouvé. Les Salines, c'était Alain Bachung. Je bois à la mer nature, aux collines odorantes. Je bois aux cigales, à la brise, aux roches millénaires. La tête au carré sur France Inter. Un peu de Jean de Florette avec Gérard Depardieu pour nous parler de nature, comme avec Valérie Chansigaud et Valérie Cabanès, et vos messages qui arrivent. Caroline nous dit, quand les animaux n'étaient pas interdits à l'école, les enfants avaient un lien avec les cochons d'Inde, les hamsters, les lapins qui y vivaient. Ils pouvaient les emmener à tour de rôle chez eux au nom des allergies, de l'hygiène, de la sécurité des animaux. Et ils n'ont hélas plus de place à l'école et privent les enfants d'un rapport très sain au monde animal. Valérie Chansigaud, qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est une bonne façon de se reconnecter à la nature ? Ça, par exemple, un exemple parmi tant d'autres. Est-ce que c'est une relation saine des animaux avec les enfants ? Ça, après, on peut se demander en posant la question de la souffrance animale. Est-ce qu'un animal a pour vocation d'être emprunté comme un livre dans une bibliothèque ? C'est des questions qui se posent aujourd'hui et c'est très compliqué pour y répondre. Donc c'est une façon de dire que c'est pas vraiment une solution. Non. Pour se reconnecter, clairement. Non. Ouais. Clairement non. Valérie Cabanès. Oui, ça montre bien en fait que notre rapport aux animaux est un rapport de domesticité et que l'on a perdu ce contact avec l'animal sauvage. Donc oui, moi j'inviterais plutôt à partir en forêt et aller aller éventuellement en forêt. C'est-à-dire la consommation de la nature est aussi une façon de détruire la nature. C'est-à-dire on n'imagine pas qu'on va transporter des millions de personnes dans la nature pour leur faire admirer une nature sauvage, parce que cette nature sauvage disparaîtrait absolument immédiatement. Donc il y a aussi... On va où avec vous, Valérie Chansigaud? Alors dites-nous, parce que vous êtes très radical quand même. Vous allez où? Dans sa cour. Non, mais dans sa rue, pour regarder ce qui s'y passe. On peut aller quand même dans la forêt, tout en respectant la forêt, non? Oui, ça dépend comment ça se passe, ça dépend les volumes de personnes qui vont dans cette forêt. Ça fait très très longtemps qu'on réfléchit effectivement à ce tourisme autodestructeur, parce que c'est une formulation, qui consiste à emmener des gens dans des endroits absolument magnifiques pour leur montrer ces endroits magnifiques, et ces endroits magnifiques ne deviennent plus magnifiques parce qu'ils sont en fait totalement dégradés par la fréquentation. Ouais. On va écouter un reportage justement de Parisiens, d'urbains en tous les cas, qui vont faire des stages autour des plantes pour aller respirer un petit peu l'air pur. Leurs vacances, ils ont choisi de les passer les pieds dans la boue, plutôt que sur les plages de sable fin. Élise et Julien Domalin vivent à Paris. Cet été, ils redécouvrent la nature. On est habitué à la Tour Eiffel, ça a quand même plus de classe ici, je trouve. Comme eux, ces touristes venus de toute la France suivent un stage de plantes culinaires au Grand Bornand. On va voir la Reine des Prés qu'elle a. Reine des Prés, Oxalis ou Achillée millefeuille. Pour les distinguer des mauvaises herbes, tous les sens sont mis à contribution. Un parfum d'arbre-brume, ça sent boisé aussi. S'échapper de la ville, revenir à des saveurs authentiques, c'est justement ce qui attire ce cadre en entreprise. À la ville, on a tout ce qui est lyophilisé, on va dans le supermarché, on achète un petit peu tout et n'importe quoi. Là, la nature, elle nous permet de nous faire réfléchir et nous dire que finalement, tous ces produits viennent de cette nature et qu'il faut justement la préserver. Voilà, extrait d'un reportage sur France 2, c'était dans le 13h en 2016, et je sens qu'on a énervé Valérie Chansigaud. C'est exactement l'exemple qu'il fallait vous trouver, celui-là. Non, c'est pas ça, mais c'est un bel exemple de l'urbaphobie galopante et passablement un petit peu folle qui existe, qui consiste à dire la ville, c'est horrible, allons massivement dans cette nature, ce qui fait que ça contribue, c'est pas la seule cause, mais ça contribue à l'étalement urbain, avec tous ces phénomènes d'addiction à l'automobile et au pétrole. Et encore une fois, c'est un mécanisme hautement destructeur des écosystèmes par l'artificialisation des sols. Et d'autant plus que la ville est le centre, l'épicentre du projet démocratique. C'est-à-dire, c'est dans les villes que la démocratie globalement est née et s'est développée, s'est épanouie. Donc, il faudrait arrêter un jour de croire que les villes contribuent à la destruction de la nature sauvage, parce que l'avenir de la nature sauvage passe par les villes. Bon, en tout cas, c'est pas à vous que je vais proposer d'aller ramasser des champignons en forêt, dites-donc. Éventuellement. Valérie Cabanès, alors qu'est-ce qu'on fait exactement? On agit sur des leviers politiques? Oui, enfin, déjà pour rebondir sur cela, et juridique, moi qui vis effectivement dans la nature et qui discute avec des personnes qui... C'est où votre nature à vous alors? Là je suis en Dordogne. D'accord. Mais je dirais au contraire qu'on pourrait encourager par cette reconnexion à la nature l'envie de la régénérer. Aujourd'hui, en fait, ce dont on aurait besoin, c'est vraiment que le monde redevienne une grande forêt. Donc il ne s'agit pas de préserver les petits bouts qui restent, il s'agirait au contraire de l'agrandir, et puis de voir aussi qu'il y a de plus en plus... Mais pour que tout le monde vive dans la forêt ? Vous savez, ce serait ça le modèle idéal pour vous ? C'est pas que tout le monde vive dans la forêt, mais effectivement, il y a de plus en plus de propositions, par exemple, de sylviculture interstitielle, c'est-à-dire de cultiver au sein de la forêt, comme le font déjà certains peuples depuis des millénaires. Et puis, je vois aussi beaucoup d'urbains qui, au contact de la nature, décident de quitter les villes, et pas de créer un étalement urbain de villes dortoirs, mais de se remettre les mains dans la terre. J'ai des témoignages extraordinaires de la ferme de Sainte-Marthe, de Philippe Desbrosses, de Vandana Shiva, où j'ai rencontré des personnes qui ont quitté des postes d'ingénieurs, des postes de pilote d'Air France, de businessmen, et qui ont décidé de complètement changer de mode de vie. Et ça fait partie, à mon avis, des évolutions de la société qui sont intéressantes. Après, il y a des exemples aussi à l'international qui sont intéressants aussi, hein, sur la jurisprudence, précisément aux États-Unis. Je crois qu'il y a des municipalités qui attribuent des droits à la nature, voilà. C'est reconnu et comme donc tel. Après, sur un autre niveau, donc ça c'est un niveau local, mais sur un niveau plus universel, je pense qu'aujourd'hui il est important que l'on reconnaisse que les droits fondamentaux humains ne pourront pas être garantis à l'avenir si nous ne reconnaissons pas les droits de la nature. Et c'est un mouvement qui est exponentiel, qui effectivement a émergé dans des pays de sociétés multiethniques comme l'Équateur, la Bolivie, mais qui aujourd'hui touche des pays occidentaux. Ouais. 34 municipalités aujourd'hui aux États-Unis reconnaissent les droits de la nature. La Nouvelle-Zélande a accepté de négocier avec le peuple maori le fait que les maoris puissent devenir gardiens d'entités vivantes reconnues personnalités juridiques comme une rivière et un parc. Même en France, sur un territoire de souveraineté française, dans les îles Loyauté, les Kanaks viennent de décider que le principe unitaire de vie serait un des articles de leur code de l'environnement. Des exemples comme ça, il y en a de plus en plus, il y en a plein dans le monde, il y en a plein dans mon livre. Ouais. Mais c'est pour moi une source de grand espoir parce que cela montre qu'il y a une évolution des consciences à ce sujet-là. Valérie Chansigo, pour conclure, quel est votre point de vue sur cette question? Il faut d'abord agir sur le politique, sur le juridique, sur cette question-là? Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas deux problèmes, le problème de la nature ou les problèmes sociaux, il n'y a qu'un seul et même problème. Il n'y a pas de différence entre les deux. Et ça, ça remonte à une vieille tradition de pensée qui date des Lumières, qui consistait à considérer que la cruauté faite aux animaux n'est pas distincte de la cruauté faite aux êtres humains. C'était la même forme et que l'un nourrissait l'autre. Un enfant, par exemple, cruel vis-à-vis des animaux allait devenir forcément un adulte criminel. Et cette idée de cette homogénéité, de cette identité entre les deux formes d'exploitation de la nature et de l'être humain, c'est encore une fois une idée très très ancienne, très forte et très récurrente de notre culture. Il s'agit simplement de retrouver trace et de se réapproprier cette tradition. Christian nous dit, notre nature en France est une nature créée par l'homme, à l'exemple de la Camargue. Il faudrait revenir un peu aux réalités, arrêter de tenir des discours ésotériques sur une nature bonne et généreuse qui n'a jamais existé. Un passé en harmonie avec la nature, c'est une contre-vérité évidente. Vous partagez tout à fait ce message. Et là, il faut bien comprendre que la nature sauvage, d'ailleurs à peu près partout sur Terre, est une création de l'homme. Et qu'il existe très peu d'endroits où l'homme n'est jamais allé. Hein. On n'en trouve quasiment plus, en tout cas, aujourd'hui. Oui. Et encore, puisqu'il y a introduit certaines maladies. Absolument. Valérie Chansigo, ça s'appelle « Les Français et la nature, pourquoi si peu d'amour ?» C'est aux éditions Actes Sud, dans la collection « Monde sauvage pour une nouvelle alliance ». Et puis Valérie Cabanès, vous signez-vous « Homo Natura », en harmonie avec le vivant, collection « Dans le vif » aux éditions Buchet-Chastel. Merci à toutes les deux d'être venues nous en parler. France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne. Attention, je vais piquer. Dominique, bonjour. Bonjour Mathieu. Êtes-vous allergique à la pénicilline? Bah écoutez, non, je pense pas, a priori. Eh bien, tant mieux pour vous. Car la pénicilline et ses dérivés, comme l'amoxicilline, représentent le meilleur choix d'antibiotiques dans de nombreuses infections. Et ne pas pouvoir en bénéficier est parfois très ennuyeux, voire dangereux. C'est fréquent comme allergie ou pas? Bah entre 5 et 10% de la population. Ah oui, quand même, c'est beaucoup. Sauf que la grande majorité des gens qui se croient allergiques à la pénicilline ne le sont pas, en vrai. Et sont donc privés à tort d'un antibiotique très utile. Mais alors comment savoir? Est-ce qu'il y a des tests? Alors, je vais y venir, hein, mais pour commencer, bah, voyons comment se manifeste l'allergie à la pénicilline. Il en existe essentiellement deux formes, immédiate ou retardée. L'allergie immédiate est la moins fréquente, mais la plus préoccupante. Hein. Elle survient rapidement après la prise de pénicilline. Elle va de la poussée aiguë d'urticaire qui survient en quelques minutes au malaise grave avec perte de connaissance, hein, quand même. Alors, cette allergie immédiate doit rendre très prudent pour le futur, car une nouvelle prise de cet antibiotique provoque souvent une réaction plus forte encore que la première et peut avoir des conséquences très graves. L'allergie retardée est la plus fréquente. Elle se manifeste par une éruption de boutons rouges sur tout le corps, comme une rougeole. Mais surtout, ce qui la caractérise, c'est qu'elle survient après plusieurs jours de traitement, voire après l'arrêt des antibiotiques. Cette éruption est heureusement sans gravité et disparaît en quelques jours. Mais alors, comment est-ce qu'on peut se croire allergique par erreur, finalement? Il y a grosso modo deux explications. Alors, pour l'allergie immédiate, celle qui vient tout de suite, elle peut très bien être due à un autre médicament qu'on a pris en même temps que la pénicilline, voire à deux médicaments dont seule l'association va provoquer une allergie. Et pour l'allergie retardée, l'éruption de boutons qui fait croire à tort à une allergie peut tout simplement être due à une maladie virale, surtout chez l'enfant, et non à l'antibiotique prescrit quelques jours auparavant. Et donc c'est là que les tests interviennent, hein. Exactement Mathieu. Alors, parlons tout d'abord des tests sanguins. Ils existent, mais ils ne sont pas assez fiables pour être utilisés en pratique, car ils sont trop souvent négatifs, alors qu'il existe quand même une allergie réelle. Non, la référence, ce sont les tests cutanés réalisés par un allergologue. Lorsque ces tests sont négatifs, le risque d'être quand même allergique à la pénicilline n'est que de l'ordre de 1%. Or, ces 1%, c'est aussi la fréquence réelle de l'allergie à la pénicilline dans la population générale. Mmh. Ça veut dire qu'une personne qui se croyait allergique à la pénicilline, mais chez qui les tests cutanés sont négatifs, n'a pas plus de risque de faire une allergie qu'une autre personne qui prendrait de la pénicilline pour la première fois. Bah, c'est parfait, ça, non ? Bah, je trouve aussi. Mmh. Alors, par principe de précaution, hein, il faut quand même mieux être chez un médecin ou à l'hôpital lorsqu'on reprend de la pénicilline après avoir cru à tort être allergique. Mais je trouve quand même que toutes les personnes qui pensent être allergiques à cet antibiotique majeur devraient se faire tester chez un allergologue pour savoir si cette allergie est réelle. Merci beaucoup Dominique. Santé polémique à réécouter bien sûr sur franceinter.fr et à la semaine prochaine. À mardi. C'est terminé pour notre tête au carré. Merci à Fanny Boyon qui réalisait cette émission. Dans un instant, bien sûr, ce sera Fabrice Drouel avec Affaires Sensibles. Bon après-midi sur France Inter, bien sûr. Et à demain.